20 février 2022, communiqué de ACT UP Paris. La justice sociale, un principe moral et politique bafoué. Le 20 février, c'est la journée mondiale de la justice sociale. Le 20 février 2021, nous avons publié un texte sur la justice sociale dans un contexte de lutte pour la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé. Nous n'avons pas obtenu l'individualisation de l'AAH. Pour autant, ce combat pour la justice sociale ne doit pas cesser, bien que cette question ne soit pas au programme des candidats et des candidates à l'élection présidentielle. Pourtant, la justice sociale est un principe politique moral fondé sur l'égalité des droits, une répartition équitable des richesses, une véritable solidarité collective entre les différents membres de la société. La justice sociale, c'est lutter sans relâche contre les inégalités sociales et de santé, de permettre un accès inconditionnel aux droits les plus fondamentaux pour toutes les personnes et ce, sans discrimination ni distinction, car sans justice sociale, l'égalité d'accès aux droits n'existe pas. Défendre la justice sociale, c'est permettre à tous et toutes de vivre dans des conditions dignes et décentes, sur lesquelles repose la notion du bien vivre ensemble. Or, la politique néolibérale, menée depuis plus d'une décennie de manière accélérée, est devenue particulièrement violente avec les 2 années de crise sanitaire que nous venons de traverser. Où est la justice sociale lorsqu'on voit que se soigner, se loger, se nourrir coûte de plus en plus cher? Comment ne pas se révolter lorsqu'on voit de plus en plus de personnes renoncer aux soins, faute de moyens, de couverture médicale, de papier ou de mutuelles? Comment tolérer que de plus en plus de personnes dorment à la rue, parfois des familles, souvent des femmes avec enfants, que des personnes même âgées se fassent expulser de leur logement, y compris HLM? Doit-on rappeler que la France détient le record européen sur cette question? Et que dire du scandale Orpea, qui souligne la maltraitance exercée sur les personnes âgées au nom du profit? Force est de constater que depuis plusieurs années, nous nous battons beaucoup pour nos droits et que nous en avons malheureusement beaucoup perdu, comme l'individualisation de l'AAH, le complément de ressources pour toutes les personnes reconnues à un taux d'incapacité de 80% par la MDPH, qui a été supprimé le 1er décembre, pourtant journée mondiale de lutte contre le sida. La suppression du cumul de l'allocation spécifique de solidarité et de l'allocation adulte handicapé en 2017. La fin de la gratuité de la complémentaire santé solidaire pour toutes les personnes en situation de handicap qui existait encore en 1993 sous le nom de aide médicale gratuite. La baisse du montant de la durée des allocations chômage. La réforme des APL qui fait beaucoup de perdants et perdantes et qui est un moyen de réduire encore et toujours les dépenses publiques sur le dos de personnes les plus pauvres et les plus fragiles. L'impact social des politiques néolibérales n'a jamais été aussi violent qu'en cette période de pandémie, à travers un état d'urgence concentrant tous les pouvoirs entre les mains du président de la République et du ministère de l'Intérieur. N'oublions pas que l'état d'urgence sanitaire créé par la loi de mars 2020 reste un état d'exception qui restreint les libertés individuelles et collectives. Comment parler de justice sociale lorsqu'on dématérialise les services à marche forcée sous prétexte de Covid sans tenir compte de la fracture numérique que subissent les plus précaires? Toutes les institutions sont devenues inaccessibles et inadaptées au public concerné. Les MDPH, les CAF, les CD, les MDS, il n'est quasiment plus possible de s'y rendre sans rendez-vous. Paradoxalement, sont apparues de nouvelles structures censées assurer des missions de service public, telles que les 2055 maisons France Service, censées faciliter l'accès aux démarches administratives, l'outil France Connect, les guichets uniques d'aide aux démarches administratives, service analogue au GUDA, les guichets uniques pour demande d'asile, dont le but est la dématérialisation des demandes de titres de séjour, et dont nous savons qu'il prive de droits de nombreuses personnes. Les services publics à l'insertion et à l'emploi, les SPIE, mis en place depuis mars 2020 au travers de 14 expérimentations pour une mise en œuvre en avril 2021 et concernant des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles dans leurs accès au marché du travail. Favoriser l'inclusion numérique pour un meilleur accès aux droits, tel est l'un des objectifs de développement durable ODD 1, réduire les inégalités, entre guillemets. Alors qu'on sait pertinemment que la dématérialisation qui se généralise prive et éloigne les personnes les plus fragiles de leurs droits. Cette quête de la rentabilité numérique s'accompagne le plus souvent d'un contrôle social renforcé, notamment sur les questions d'accès aux droits sociaux et de la santé, mais également sur les questions du droit des étrangers et du droit d'asile. Ces structures, financées sur la base d'un partenariat public-privé, privilégient la rentabilité au détriment de la qualité, l'objectif de ce gouvernement étant de remettre tout le monde au travail sans distinction, afin de pouvoir communiquer sur une soi-disant baisse du taux de chômage et sur une croissance plus élevée que jamais. Toutes ces lois liberticides et ces mesures coercitives sont mises en œuvre au nom soi-disant de la protection des populations, mais certainement pas des plus fragiles. La solidarité nationale et la justice sociale ne se monnaient pas, ne se marchandent pas. Et il ne faut pas confondre l'intérêt général et l'intérêt public, car ce n'est pas la même chose que défendre les intérêts du plus grand nombre ou l'intérêt de tous et de toutes. La justice sociale est un combat qui devrait nous rassembler toutes et tous, parce qu'il s'agit de défendre les vraies missions du service public dans leur caractère non marchand, où la véritable solidarité s'applique. C'est aussi défendre avec force l'hôpital public en lui donnant les moyens humains et financiers de pouvoir assurer ses missions auprès de toutes et tous, qu'on soit riche ou pauvre, qu'on ait une couverture médicale ou pas, qu'on ait des papiers ou pas. Et l'inquiétude est grande lorsqu'on voit le nombre d'établissements en secteur 1 disparaître, ce qui veut dire que les dépassements d'honoraires, même contrôlés, deviennent la norme dans une majeure partie des établissements de santé de notre territoire. L'hôpital n'est pas une entreprise. Et à ce rythme, les plus fragiles, et parmi elles et eux, les PV-VIH, ne pourront plus se soigner. Et cela a déjà commencé. Comment ne pas voir les dégâts considérables provoquée par la privatisation de l'action, de l'aide sociale et de la santé publique ces dernières années. Le nombre de démissions dans les métiers du soin et du social est alarmant et s'est encore aggravé avec la crise sanitaire. La lutte contre le sida n'est pas que médicale, elle est sociale et politique, comme la lutte contre les discriminations. Elle s'inscrit naturellement dans la lutte en faveur de la justice sociale. En 2022, cela fera seulement 20 ans que le Fonds mondial pour la lutte contre le sida a été créé sur la base d'un partenariat public-privé visant à soutenir la recherche mais aussi à améliorer la qualité et les conditions de vie des personnes vivant avec le VIH. En 2015, l'ONU a été contraint d'appeler le secteur privé à investir pour la réussite de ses objectifs et pour pallier au manque de financement des États et des dérives ont commencé à apparaître. La fusion entre l'ANRS et le REACT-ING en décembre 2020 a quant à elle suscité beaucoup d'inquiétudes légitime, de voir baisser les fonds alloués à la recherche contre le sida. Et que dire face au constat de la fermeture des services de médecine interne, de surveillance continue pour les personnes atteintes du VIH ou des personnes atteintes de pathologies chroniques de longue durée parce que ces malades ne rapportent pas d'argent à l'hôpital. Le gouvernement Macron a supprimé plus de 17 000 lits depuis le début de son mandat et en a transformé d'autres également au profit de la chirurgie ambulatoire beaucoup plus rentable telle que le fameux Fast Track. Parallèlement, les consultations privées à l'hôpital public ont explosé, avec pour conséquence un allongement des délais pour les personnes les plus démunies pour avoir des rendez-vous avec des spécialistes. La loi du 4 mars 2002 sur le droit des malades fête aussi ses 20 ans. On ne peut pas en parler sans évoquer la lutte contre le sida car les personnes séropositives et les associations ont été très impliquées dans l'élaboration de cette dernière et ce dès 1996. Cette loi évoque la question du libre choix, du consentement éclairé, la notion de patient expert et la convention AERAS qui, par ailleurs, vient de se voir modifiée récemment pour permettre aux personnes d'emprunter jusqu'à 200 000 euros sans questionnaire médical. Et là aussi, c'est un combat des personnes séropositives et de nombreuses associations de lutte contre le sida qui se voient récompensées. Pourtant, 20 ans plus tard, nous avons toujours le sentiment d'être exclus des décisions qui, pourtant, nous concernent. La démocratie sanitaire n'existe pas. Et quant à l'amélioration des besoins et des attentes des personnes malades, ce n'est plus une priorité aujourd'hui. Nos vies vaudront toujours plus que leurs profits et nous ne devons jamais cesser de nous battre pour la justice sociale et continuer de porter nos revendications. L'individualisation de l'allocation adulte handicapé et du RSA pour toutes les personnes qui vivent en couple et un montant qui ne soit pas inférieur au seuil de pauvreté actuellement à 1 065 euros. La rétribution du complément de ressources pour toutes les personnes qui y sont éligibles et donc reconnues à 80% par la MDPH. L'accès à la complémentaire solidaire pour toutes les personnes en situation de handicap et sans participation financière, ainsi que pour toutes les personnes étrangères. La régularisation de toutes les personnes sans papier, qu'elles relèvent d'un titre de séjour étranger malade, vie privée et familiale, du statut réfugié, de la protection subsidiaire. Et pour toutes les autres qui quittent leur pays au péril de leur vie, pour des raisons dites économiques, le droit au travail et à la délivrance d'un titre de séjour immédiat, comme tel était le cas avant les lois Pasqua de 1993. L'arrêt des expulsions des personnes migrantes et des personnes étrangères malades. La publication de la BISPO et la défense de l'arrêté du 5 janvier 2017 menacés aujourd'hui par des politiques racistes et xénophobes. L'abrogation de la loi contre la pénalisation des clients et la reconnaissance du travail du sexe, la suppression du forfait urgence instauré récemment et qui vise à exclure du soin certaines populations, la possibilité pour toutes les personnes vivant sur notre territoire de vivre et de mourir dans des conditions dignes. Pas de lutte contre le sida sans lutte pour la justice sociale et même si les combats sont de plus en plus nombreux et difficiles, il faudra bien trouver un moyen pour reconquérir des droits. Cela ne pourra pas se faire sans une mobilisation massive autour de la lutte qui nous unit pour vivre dans des conditions dignes et décentes. Coco pour ACT UP Paris. Voilà, c'est la fin de la lecture de ce communiqué qui me semble primordial et que j'aimerais entendre porté par beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de mouvements, partis, personnalités, groupes, etc. Il est à retrouver sur le site de ACT UP Paris, ACT UP Paris. tupparis.org. Et je mettrai le lien ainsi qu'un glossaire, je pense, pour les diminutifs et puis quelques ressources aussi, je pense, sur la justice sociale. Là aussi en description, vous pourrez retrouver donc cette lecture sur le compte Caracol, @caracol chez archive.org. Voilà, bonne journée ou bonne soirée, ou en tous les cas, à très bientôt. Au revoir.